This project is made by Dar Shimel, Lebanon. Ce projet a été réalisé par Dar Shimel, Liban. هذا المشروع من تنفيذ دار الشمال لبنان. G4. J'écris, je parle le français. Avant-propos. J'écris, je parle le français s'adresse aux apprenants anglophones du cycle primaire. Le choix des thèmes leur permet de se familiariser avec la langue et la culture française. Les activités proposées par ce livre aident l'apprenant à acquérir une compétence de communication dans les situations de la vie courante. Des exercices audio visant un entraînement à la prononciation et à l'intonation. Une variété de textes se rapportant au vécu de l'enfant. Des leçons de grammaire pour introduire les structures grammaticales de base. Des exercices de vocabulaire. L'apprenant pourra ainsi se situer dans son apprentissage et développer sa capacité d'autonomie grâce à des récapitulations à la fin de chaque thème.